الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، قبل أن نستمر في دراسة سيرة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، أود أن أذكر نفسي وإخواني الكرام حفظكم الله تعالى بأمر مهم جدا، ألا وهو مصدر التلقي وعدم الجلوس إلى أهل البدع والمحدثات والتحزب. Avant d'entrer dans le vif du sujet, de poursuivre l'étude de la biographie de notre noble prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un rappel que je m'adresse à moi-même ainsi qu'à mes chers frères, qu'Allah vous préserve. Et ce sujet a la plus haute importance, même si on voit certains de nos frères en être distraits. Une grande base qu'on trouvait chez les pieux prédécesseurs, après l'époque des compagnons, radiallahu anhum. Et ce conseil est le fait de savoir où est-ce qu'on s'assoit pour prendre notre science. Le fait de savoir de qui est-ce qu'on prend notre science. Et dans quelles assises on peut prendre place pour se rappeler, pour étudier, pour apprendre et comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وكان الناس في جاهلية جهلا وفي ضلال مبين فبصرهم بنور الوحي صلى الله عليه وسلم بإذن ربه تبارك وتعالى وقد أنزل الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأنزل الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وأنزل الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam un verset dont la traduction d'essence est: et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous égareront du droit chemin. Ceci est un ordre divin de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cet ordre, il ordonne de suivre son chemin. Et pour ce faire, il nous a envoyé son noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. As-sahaba radiallahu anhum amanu bih wa saddaqu wa amtathalu awamirah وابتعدوا عن نواهيه. Les compagnons ont cru en ce messager. Ils l'ont suivi. Ils ont cru en ses dires. Ils ont suivi sa voix. Ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné, ils l'ont mis en pratique. Et ce qu'il leur a interdit, ils s'en sont éloignés. Et ils étaient tous sur cette voie. Ils ont suivi le Coran et la Sunna d'une manière minutieuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en Coran: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez un parfait exemple à suivre dans la personne du messager d'Allah. Donc, voici ce sur quoi étaient les compagnons. Ce dont Allah Azza wa Jal a été satisfait dans le Coran, ce dont Allah Azza wa Jal a mentionné les mérites et a fait leurs éloges. Ce sont des gens qui se sont cramponnés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont rien ajouté. Ils n'ont rien altéré. Quant à la croyance et les informations, ils y ont cru. Quant aux ordres, ils les ont appliqués. Quant aux interdits, ils les ont délaissés. Et ils ont pris pour exemple leur prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal et du messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Et par la suite, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu est donc devenu Khalifatul al-Mu'minin, le responsable des croyants. Et les gens sont restés sur la voie sur laquelle était le prophète alayhi salatu wassalam. Ma baddal wa la ghayyaru. Ils n'ont pas altéré, ils n'ont pas innové et ils n'ont pas changé sa méthodologie. Puis Abu Bakr est décédé radiallahu anhu. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, Amir al-Mu'minin, a pris la relève. Et les Sahaba n'ont pas altéré, ils n'ont pas changé, ils sont restés sur cette voie. Puis il y a eu l'époque de Uthman radiallahu anhu. Et beaucoup parmi les grands compagnons sont décédés. Et il restait les jeunes compagnons radiallahu anhu, qui avaient par la suite pris de l'âge, comme Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma. Et à leur époque sont apparues les passions et les fitaines, les troubles et les ambiguïtés, les shubuhat. Quant aux compagnons, ils sont restés sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit: Khatta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan mustaqima. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un long trait droit. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimali. Et il a fait d'autres traits à droite et à gauche de cette ligne. Et il a dit: Hada siratullah. Quant au long trait droit, il a dit: voici le chemin d'Allah. Quant aux autres chemins, il a dit: وَهَذِهِ السُّبُلِ. Et voici les sentiers. Et à la tête de chacun de ces sentiers, il y a un shaitan qui invite les gens. Et l'apparition des troubles, des passions et des fitaines a eu lieu à l'époque de Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Un point où des gens se sont soulevés contre lui, se sont rebellés contre le gouverneur, ont propagé des mensonges à son sujet, au point de se révolter contre lui, de lever une armée contre lui, de l'assiéger, de l'assassiner. Par la suite, wal'iyadu billah, radiallahu anhu. Et par la suite, il y a eu de nombreuses fitnes. Et la division n'a cessé d'être présente. Et à l'époque de Abdullah ibn Omar, il y a eu l'apparition de Al-Qadariya, ceux qui ont renié le destin, comme dans la base du hadith d'Ibril, dans la Muqaddima de Sahih Muslim de l'imam Mazhar, dans la Muqaddima de Sahih Muslim, Na'am, Rahimahullah Ta'ala. Ces gens-là disaient: Inna al-amra unuf. C'est-à-dire qu'Allah n'a connaissance des choses qu'après leur apparition. Wal'iyadu billah, ils ont renié la science d'Allah Azza wa Jal. Ils ont renié le destin. Il y a eu aussi Al-Khawarij, ceux qui se sont rebellés contre les gouverneurs et qui ont rendu le sang licite des innocents et des croyants. Et ils ont semé le désordre sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont assassiné Ali ibn Abi Talib, ils ont tué certains parmi les Sahaba. Et ils ont tué bon nombre de tabi'in et de croyants. Jusqu'à nos jours, ils sèment le désordre sur la terre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Plus tard, il y a eu d'autres sectes. Mais à l'époque des Sahaba, il n'y avait pas de secte. Ils étaient tous sur l'islam. Lorsqu'ils sont partis à Al-Madina et ont fait l'hijra, il y a eu par la suite Al-Ansar et Al-Muhajiru. Il y a eu l'apparition de Al-Nifaq, de l'hypocrisie. De l'hypocrisie. Et plus tard, à l'époque des petits compagnons, des jeunes parmi eux, radiallahu anhum, il y a eu l'apparition de des fitans, des troubles, des bida'a, comme Al-Qadariya, Al-Khawarij et d'autres. À ce moment-là, les sahaba sont revenus à la base, c'était dans le Coran et c'était dans la Sunna. Que faire lors de l'apparition des troubles? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait informé de cela. Dans le hadith de Hudayfa, il a informé qu'il y allait avoir des troubles. Dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, il a informé qu'il y allait avoir des troubles. Il nous dit dans ce hadith, « Wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu'idhatan baligha, wajilat minha al-qulub, wadharafat minha al-uyub, faqulna ya Rasulallah, ka'anna mu'idhatum wadda'in, fa'awsina. » Un jour, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit une exhortation très éloquente. À un point où les cœurs ont bougé et les larmes ont coulé, nous dîmes, ô messager d'Allah, cela ressemble à un serment d'adieu ou une exhortation d'adieu. Fais-nous donc des recommandations. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, usikum bi taqwallah. Je vous recommande la crainte d'Allah. Wa sam'i wa ta'a. D'écouter et d'obéir. Wa in ta'ammara alaykum 'abd. Même si celui qui prend le pouvoir parmi vous est un esclave. Wa innahu man ya'ish minkum. Et sachez que celui qui parmi vous vivra, fa sayara ikhtilafan kathira. Il verra de nombreuses divergences. Donc ça, c'est la démonstration de la maladie, du problème qui arrivera. C'est quoi? La division, la divergence, l'apparition de des sectes et des passions. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam cita également le remède. Il dit donc, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ عَبُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ. Accrochez-vous donc à ma sunna, à ma tradition, à ma voix, ainsi qu'à la voix des califes bien guidés, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, radiallahu anhu. Mordez-y à pleines dents. Wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Et prenez garde aux nouvelles choses, aux nouveautés. C'est-à-dire dans la religion. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Car toute nouveauté, c'est-à-dire religieuse, est innovation. Wa kulla bid'atin dalalah. Et toute innovation est égarement. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé la voie à suivre. De la manière la plus explicite. Il y aura des troubles, il y aura des fitans, il y aura une division. Celui qui veut être sauvé, il reste sur la voie sur laquelle j'étais ainsi que mes compagnons. Voici la voie du salut. Comment pratiquer cela dans la prise de science, dans l'apprentissage? Car on est témoin d'un égarement de la part de certains prédicateurs et prêcheurs, et par la suite de certaines personnes assistant à leur cours. Car ils délaissent cette base, pas indiquée par un tel ou un tel, mais indiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le suivi de sa sunna et la sunna de ses califes bien guidés. Et sur cela étaient les compagnons. Et lorsqu'il y a eu l'apparition des troubles et des fitaines et des innovateurs, est-ce que sahaba ont pris de tout le monde? Ou est-ce qu'ils ont trié? Et est-ce qu'ils se sont renseignés? Est-ce qu'ils ont vérifié par la suite? Et ça, c'est un manhaj qu'il nous faut connaître. C'est une méthodologie qu'il nous faut apprendre et qu'il faut connaître à travers les textes. À travers les textes, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la sunna, et par la suite, la parole des pieux prédécesseurs. Et la parole la plus célèbre dans ce domaine est la parole d'Ibn Sirin, de Muhammad Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il nous dit « Inna hadha al-ilm dinun fanzuru an man ta'khuduna dinakum » Muhammad Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, un des pieux prédécesseurs, nous dit, comme l'a rapporté l'imam Muslim, comme on trouve dans Muqaddimat Sahih Muslim et dans d'autres livres, la parole de Muhammad Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, qui est « Certes, cette science est une religion. Certes, cette science est une religion. Faites donc attention de qui vous prenez votre religion. Certes, cette science est une religion. Faites donc attention de qui vous prenez votre religion. Cette parole est la parole de Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala. Mais c'est également la parole de beaucoup de pieux prédécesseurs qui viendront ensuite. Soit textuellement ils ont dit cette parole, comme l'a dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala, soit dans le sens, soit ils l'ont expliqué, soit ils l'ont développé, soit ils ont cité des paraphrases toutes proches de la parole de Ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Et avant, dès qu'une personne disait qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde tendait l'oreille. Avant l'apparition de quoi? Des fitnes, des troubles, des innovateurs. Suite à l'apparition des divisions, des divergences et des innovateurs, donc des gens qui ne sont pas restés sur la voie du prophète alayhi wassalam et des compagnons, à ce moment-là, les gens ne tendaient plus l'oreille de la même façon. Ils faisaient attention. Qui est cette personne? Quel est son niveau de religiosité, de mémorisation? Et quelle est sa droiture concernant la sunna du prophète alayhi wassalam? S'ils voyaient de lui qu'il était sur la sunna et qu'il avait une bonne mémorisation et qu'il avait une bonne religiosité, ils acceptaient de lui le hadith. Dans le cas contraire, ils triaient et ils faisaient attention et ils ne prenaient pas place dans son assise et ils ne tendaient pas l'oreille. Pourquoi? Pour préserver la pureté de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala comme elle nous a été révélée. Comme elle nous a été révélée. Car si tout le monde parle dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bon et le mauvais, le sunni et le bid'i et autres, alors il y aura une confusion. Il y aura des troubles. Et les gens ne vont plus reconnaître le vrai du faux. À un point où tu arrives à une époque où les gens disent « Je ne sais plus qui est sur la vérité, je ne sais plus qui suivre, quoi suivre. » Ça c'est dû à quoi ? Au fait d'avoir délaissé cette base, التميز, le fait de se distinguer, le fait que la vérité soit apparente de manière éclatante et évidente, et que le faux soit apparent, pareillement. Comme Allah nous le dit dans le Coran, وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ afin que se distingue clairement le chemin des gens du mal. Le chemin des gens du mal. Allah tabaraka wa ta'ala cite les choses clairement pour que celui qui souhaite la vérité y ait accès. Et celui qui penche vers le mal, soit anéanti avec clairvoyance. Avec clairvoyance, c'est lui qui aura choisi cette voie-là. C'est lui qui aura délaissé la vérité. Quant au haqq, quant à la vérité, elle est exposée, elle est explicitée, elle est détaillée dans le Coran, dans la sunna, dans les livres, et dans les masajid de Ahl Sunnah. Donc ça c'est une base très importante. De qui est-ce que tu prends la science? De qui est-ce que tu ne prends pas la science? Dans quelle assise tu peux prendre place? Et dans quelle assise tu ne peux pas prendre place? Et tout cela afin de préserver la pureté de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas ibn Ammi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhumah. Abdullah ibn Abbas, comme vous le savez, ce noble compagnon, un des plus savants du Coran, est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, compagnon fils de l'oncle et grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu le voir et prononcer des hadiths et Abdullah ibn Abbas ne lui prêtait pas grandement attention. Alors cet homme s'est étonné. Alors cet homme s'est étonné. Et il lui a dit, Uhadithuka an Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, wa uraka la tanzuru ilay. Cet homme a dit à Abdullah ibn Abbas, je te dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je vois que tu ne fais pas attention à moi. Et je vois que tu ne fais pas attention à moi. فرد عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بهذا الأصل الأصيل. عبد الله بن عباس lui a répondu avec cette grande base dans notre dîn, cette grande base dans notre méthodologie de qui est-ce qu'on prend la science, de qui est-ce qu'on prend la science, et on fait attention de qui on, nous prenons notre science. Il lui a donc dit, كنا إذا قال الرجل قال صلى الله عليه وسلم أصغينا إليه. Adam, il dit, radiallahu anhuma, lorsqu'il lui dit, à l'époque, lorsqu'un homme disait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on lui tendait tous l'oreille. Wabtadarnahu absar, et on le regardait tous, on penchait tous vers lui. Nous penchions tous vers lui. Pourquoi? Pour profiter du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Falamma rakiba an-nas as-sa'ba wadh-dhalul. Puis, il nous dit, lorsque les gens se sont mis à rapporter de tout le monde. Naam, les choses difficiles, les choses faciles. Ici, il fait référence aux gens de bien et aux gens du mal. Aux gens qui ont pris le hadith et qui sont de confiance. Naam, et qui ont la capacité de transmettre. Et à ceux qui n'ont pas ces caractéristiques. Il a dit, alors à ce moment-là, on a trié. À ce moment-là, on a trié, on a fait attention. Naam, de qui est-ce qu'on prenait la science. فَنَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السُنَّةِ. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous regardions qui étaient les gens de la sunnah. فَنَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السُنَّةِ فَنَأْخُذُ عَنْهُمْ وَنُحَدِّثُ عَنْهُمْ. On prenait d'eux et on rapportait d'eux. Nous regardions qui étaient les gens de la sunnah. Nous prenions d'eux et nous rapportions d'eux. وَنَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ. Naam. Et on regardait qui étaient les gens de l'innovation. Et on ne prenait pas d'eux et on ne rapportait pas d'eux. Donc ça, c'est la voie des sahaba radiallahu anhum. Après l'apparition d'eux, des fitanes et des innovations. Donc ça, c'est le manhaj qu'ont enseigné sahaba ou tabi'i. Ça, c'est le manhaj qu'ont enseigné à sahaba ou tabi'i. Faites attention de qui est-ce que vous prenez la science. Et lorsqu'une personne vient et dit, qala Allah, qala Rasulullah, naam, savoir qui est cette personne. Qui est cette personne? Quelle est sa aqida? Quel est son manhaj? Quelle est sa religiosité? Est-ce qu'elle a appris? Est-ce qu'elle a une chose à donner? Car celui qui n'a pas appris, il ne peut pas transmettre. Naam, est-ce que c'est une personne de confiance dans la transmission? Quelles sont ses fréquentations? Qu'est-ce qu'il fréquente? Et ainsi de suite. Afin de voir, est-ce que la personne est à la sunna? Alors on profite de lui. Alors on le secourt dans sa da'wah. Alors on propage son ilm après l'avoir pris. Ou est-ce que c'est une personne de Ahlul Bida? Alors on ne renforce pas son assise. On n'augmente pas le nombre de ses assises. On s'éloigne de cette personne. Et celui qui a la capacité de le conseiller et de réfuter Naam à son niveau, alors elle le fait. Alors elle le fait. وَهَذَا مِنَ النَّصِيحَةِ. Et ceci fait partie du conseil adressé aux musulmans. Du conseil adressé aux musulmans. Et on trouve cette même parole, on trouve cette même parole de l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala. C'est-à-dire que cette religion, ou bien que cette science est une religion. Cette science est une religion. Regardez donc de qui est-ce que vous prenez votre religion. De qui est-ce que vous prenez votre religion. Et c'est ce qu'ont fait les savants de l'islam pour réunir les livres de hadith, comme Sahih al-Bukhari, comme Sahih Muslim, comme Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Tirmidhi, Nasa'i, et ce qu'a fait avant l'imam Malik dans Al-Muwatta et d'autres. Naam, savoir de qui Est-ce qu'on prend et on accepte le hadith? Par exemple, Al-Kazzab, le menteur, on ne prend pas de lui le hadith. Même s'il est sur la sunna. Même s'il est sur la sunna, on ne prend pas de lui le hadith. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas digne de confiance. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas digne de confiance. On ne peut pas prendre de lui le hadith. Naam. Alors que si la personne n'est pas sur la sunna, elle est dans l'innovation, et qu'elle rapporte un hadith, mais qu'elle n'est pas connue pour le mensonge, et que ce hadith ne vient pas appuyer son innovation, et qu'il rapporte ce hadith d'une personne digne de confiance dans le hadith, et que lui, cette personne aussi, et ainsi de suite, jusqu'au compagnon, jusqu'au prophète, alayhi salam, beaucoup de savants acceptent son hadith. Beaucoup de savants acceptent son hadith. Quant au menteur, même s'il est sur la sunna, naam, on n'accepte pas de lui le hadith. On n'accepte pas de lui le hadith. Car sa faiblesse dans taqwallahi tabaraka wa ta'ala fait qu'on ne peut pas yani, le considérer comme digne de confiance et prendre de lui. Naam. Pourquoi ce rappel? Car tu vois de nos jours, certains frères qui ont une faiblesse dans tamassuk bi sunna, qui ont une faiblesse dans le fait de se cramponner à la sunna, ou sont ignorants de ses bases. Ou sont ignorants de ses bases. Et inshallah ta'ala, la semaine prochaine, il y aura une conférence sur ce sujet. Bi'idhnillahi azza wa jal, en détail. Et Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala, a une conférence sur le sujet. Et d'autres parmi les ulama de l'ahl sunna. Naam. Et c'est un sujet qui a été longuement détaillé. Ces qawaïd-là sont très importantes. Particulièrement, on se les rappelle lors de l'apparition des troubles et des fitnes. Tu trouves un tel qui va s'asseoir dans l'assise de tel, par exemple, qui est ignorant, ou de tel qui est sur la bid'a, ou de tel qui est un menteur, ou de... Là, tu dois savoir de qui est-ce que tu prends l'ilm. Tu te renseignes où la personne a étudié. Tu te renseignes où la personne a étudié. Tu te renseignes sur la aqidah, le manhaj de la personne. Naam. Wahakada, cette science, on te dit, c'est ta religion. Tu ne peux pas mettre ta religion, et aller prendre ta religion n'importe où. Tu ne peux pas prendre ta religion de n'importe qui et n'importe où. Donc, inshallah ta'ala, on va détailler ce sujet-là. Wa billahi tawfiq. الحمد لله وبعد انتهينا في الجمعة الماضية من غزوة بني قريظة وبعد غزوة بني قريظة إلى الحديبية ذكر أهل التاريخ والعلماء عدة سرايا أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني قريظة. Les savants et les historiens nous citent un bon nombre d'expéditions entre غزوة بني قريظة à la suite de غزوة الأحزاب et الحديبية. Il nous cite plusieurs expéditions qu'on va résumer ici. Mais la semaine prochaine, on reviendra, incha'Allah ta'ala, au poème d'Ibn Abi al-Izz, rahimahullah ta'ala, al-Mi'iyya. Donc, après la bataille de l'Ahzab, qui a eu lieu après Ghazwat Bani Mustaliq, même si dans certains livres d'histoire et de sirah, on peut trouver à ce passage-là Ghazwatu Bani Mustaliq. Mais comme nous l'avions vu auparavant, Ghazwatu Bani Mustaliq a eu lieu avant Ghazwatu al-Ahzab. Et dans cette expédition, il y a eu beaucoup de troubles faits par Al-Munafiqoun. Ils ont semé la zania entre Sahaba. Ils ont menti sur Aisha radiallahu anha. Et d'autres mal qu'ils ont fait et tenter de faire. Premièrement, Sariyatu Abdillah ibn Atiq. ابن عتيق سرية عبد الله ابن عتيق أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلام ابن أبي الحقيق وكنيته أبو رافع كنيته أبو رافع. La première expédition qu'on mentionne ici est l'expédition de Abdullah ibn Atik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé à un homme qui se prénomme Salam ibn Abi al-Huqayyiq. Et sa kunya est Abu Rafi'a. Sa kunya est Abu Rafi'a. Cet homme était à la tête de Banu al-Nadir. Cet homme était à la tête de Banu al-Nadir. Et on se rappelle qu'après la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait sortir de Al-Madina. Il les a fait sortir de Al-Madina. Ils sont donc partis à Khaybar. Ils sont donc partis à Khaybar. Et là-bas, ils ont comploté contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Et leur chef était Huyay, ibn Akhtab. Et celui-ci est décédé. Donc Abu Rafi' Salam est devenu leur chef. Suite au décès de Huyay ibn Akhtab, Abu Rafi' est devenu le chef de Banu al-Nadir. Et cet homme-là complotait contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Et son but était de pouvoir revenir à Al-Madina et ancrer son pied à Al-Madina. Donc lorsqu'il y a eu Al-Ahzab, Kuffar Quraysh se sont unis avec Banu Ghatafan et autres, ils ont poussé les différentes tribus à s'unir au Ahzab pour éradiquer les croyants de Al-Madina afin que eux puissent revenir à Al-Madina. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Abdullah radiallahu anhu ibn Atik. Il fait partie de Al-Khazraj. Et comme on le sait, il y avait la concurrence dans le bien entre Al-Aws et Al-Khazraj. Al-Aws auparavant avait fait la même chose. Il s'était débarrassé d'un ennemi du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Al-Khazraj ici ont voulu s'empresser de concurrencer Al-Aws dans le khayr. Alors Abdullah radiallahu anhu s'est avancé. Et ce hadith, on le trouve dans le recueil de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim. Dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Al-Aws, eux, étaient sortis pour la Sariya contre Ka'b ibn al-Ashraf. Et ici, c'est le Khazraj qui sortent contre Salam ibn Abi al-Huqayyiq. Salam ibn Abi al-Huqayyiq vivait dans une forteresse. Et une fois la nuit tombée, il fermait les portes. Les gardes fermaient les portes. Et ne se retrouvaient dans la forteresse que ses invités, que ses proches, ainsi que sa famille. Donc 5 parmi le Khazraj sont sortis à sa rencontre. 5 parmi le Khazraj sont sortis plutôt pour aller dans son lieu de résidence, dans sa forteresse. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a donné des recommandations. Parmi les recommandations, ne pas nuire à une femme, ne pas nuire à un enfant et d'autres recommandations. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont pris place proche du mazar de la forteresse de Salam, Abu Rafi'a. Et Abdullah ibn Atik a dit à ses compagnons, attendez-moi là. Lorsque le soleil s'est couché et que les gardes ont fermé la forteresse, Abdullah ibn Atik a eu l'idée de s'approcher non loin de la forteresse pour faire ses besoins. C'est-à-dire qu'il a uriné. Il a couvert sa tête et il a uriné. Lorsque le portier l'a vu, il l'a pensé, il a pensé qu'il faisait partie des gens de la forteresse. Donc il lui a dit « Ya Abdallah ». Yani Abdallah, lui s'appelle Abdallah, mais le but, ce n'est pas son nom. « Oh un tel, oh serviteur d'Allah », il l'a appelé. Il lui a dit « Si tu veux rentrer, dépêche-toi car je vais fermer ». Donc il l'a pensé, yani il pensait qu'il faisait partie des leurs. Donc ainsi il a pu rentrer. Ainsi il a pu rentrer. Et il a vu où le portier a caché les clés. Donc qu'est-ce qu'il a fait une fois rentré? Il est parti récupérer les clés, il a ouvert la porte pour pouvoir se sauver. Naam, pour pouvoir se sauver. Radiallahu anhu. Ensuite, il a avancé. Ensuite, il a avancé vers la demeure de Abu Rafi'a. Et il y avait plusieurs portes. Et à chaque fois qu'il dépassait une porte, qu'est-ce qu'il faisait? Il fermait derrière lui. Pourquoi? Comme ça, s'il se passe quelque chose, les gens ne pourront pas arriver rapidement. Donc il traversait porte après porte, il refermait derrière lui. Il refermait derrière lui. Et il était tout seul. Il était tout seul, radiallahu anhu. Ensuite, il a atteint la demeure de Abu Rafi'a. C'est une forteresse et il y a beaucoup d'habitations à l'intérieur. Mais il faisait nuit. Et il faisait sombre. Donc il ne pouvait le distinguer d'entre les gens de sa famille. Il ne pouvait le distinguer d'entre les gens de sa famille. Alors, il a eu l'idée de crier son nom, ou bien de l'appeler. Il a dit « Ya Abu Rafi'a ». Il a dit « Ya Abu Rafi'a ». فَقَالَ مَنْ. Il a dit « Qui est-ce ?» Alors, Abdullah s'est rapproché de la voix. Il a sorti son épée et il a mis un coup, mais sans le toucher. Alors, Abu Rafi'a a crié. Abdullah est ressorti. Et il est revenu en changeant de voix. Que se passe-t-il? Yani comme s'il faisait partie de ses portiers, ou bien de ses amis, ou bien de sa famille. Comme s'il venait pour le secourir. Il lui a dit, que se passe-t-il? Et il lui a dit, malheur à toi, n'as-tu pas vu un homme qui est venu pour faire ceci, cela? Et il s'est approché en suivant sa voix. Et il a essayé de le toucher une seconde fois, et il ne l'a pas eu. Naam. Puis il a refait cela une troisième fois. Radiallahu anhu. Et lorsqu'il a entendu sa voix, il est monté sur lui et il lui a mis un coup d'épée. Et il lui a mis un coup d'épée. Puis il est sorti. Puis il est sorti, il a rejoint ses compagnons. Mais en chemin, il y avait une échelle. En chemin, il y avait une échelle et comme il faisait nuit, il est tombé. Il s'est cassé la jambe. Il est tombé, radiallahu anhu, et s'est cassé la jambe. Il s'est cassé la jambe. Il a rejoint ses compagnons et les a informés. Donc ils sont partis. Il a dit, quant à moi, je reste là pour attendre l'annonce. Naam, pour attendre l'annonce. Arrivé au matin, on a entendu l'annonce de son décès. Alors il a rejoint ses compagnons et ils sont arrivés à Al-Madinah et ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam du décès de celui qui complotait contre eux et qui voulait les combattre. Et qui voulait les combattre. Arrivé à Al-Madinah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tends-moi ta jambe. Il lui a dit, tends-moi ta jambe. Et il lui a fait ruqya. Et Abdullah radiallahu anhu a été guéri par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'est plus jamais plaint d'une douleur à son pied, à sa jambe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main sur sa jambe. Wa masahaha. Par la suite, il dit, je n'ai plus jamais eu de douleur à cette jambe. Je n'ai plus jamais eu de douleur à cette jambe. Et ici on voit Shaja'atu Sahaba radiallahu anhum. Ici on voit le courage de Sahaba radiallahu anhum. Et que même en temps de guerre, il n'opprimait personne. Hein? Il n'opprimait personne, il ne touchait ni aux femmes, ni aux enfants et autres. Mais ceux qui les combattaient, ils les combattaient. Mais ceux qui les combattaient, ils les combattaient. Non pas comme tu veux trouver au jour d'aujourd'hui. Naam, des gens qui tuent femmes, enfants, hommes, personnes âgées, sans aucune distinction. Puis lorsqu'ils sont blâmés, ils disent « c'est la guerre ». Non, le prophète alayhi salatu wa salam ne permettait pas cela même en temps de guerre. Il ne permettait pas cela même en temps de guerre, sallallahu عليه وسلم. Par la suite, il y a eu la Sariya de Muhammad ibn Maslama. Donc là, on se trouve en l'an 6, en l'an 6 de l'Hégire. On se trouve en l'an 6 de Al-Hijra, Ba'd al-Hijra. La ghazwa de, ou plutôt la Sariya de Muhammad ibn Maslama, il a Al-Qurta'. Il a Al-Qurta'. À ce sujet, il n'y a pas de chaîne de transmission authentique pour pouvoir affirmer que cette histoire est authentique. Néanmoins, il y a la qissa de Thumama. Une partie de cette qissa est authentique par d'autres textes. Laquelle ? La qissa de Thumama ibn Uthal radiallahu anhu. Du retour des compagnons de cette expédition, il y avait Thumama radiallahu anhu, donc il faisait partie de l'ennemi à l'époque. Les compagnons sont sur le retour, ils rencontrent Thumama. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont capturé, ils l'ont ramené à Al-Madina. Ils l'ont ramené à Al-Madina. Ils l'ont donc attaché au pilier de la mosquée. Ils l'ont fait entrer où? Dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De cela, certains savants ont dit la permission de faire entrer le non-musulman dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il y a une maslah, s'il y a un bien dans cela ou une nécessité. S'il y a un bien dans cela ou une nécessité. Quant au masjid haram, na'am, et au haram makki, des textes ne permettent pas cela. Quant au masjid Nabawi, na'am, suite à ce hadith et d'autres, les savants divergeaient sur la permission. Et certains ont dit donc, c'est permis en cas de nécessité. C'est permis en cas de nécessité. Donc Thumama a été fait prisonnier à l'intérieur de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce hadith dans le Bukhari est muslim. Et ce hadith dans le recueil de l'imam Bukhari et de l'imam muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir et lui a dit « Ma indaka ya Thumama ?» Qu'est-ce que tu as au Thumama ? Alors Thumama, radiallahu anhu, lui a répondu « In taqtulni taqtul da dam. Taqtul da dam. » Il lui a dit « Si tu me tues, tu auras tué une personne dont le sang a une valeur. » Ça, c'est une des explications des savants. Taqtul da dam. C'est-à-dire que je viens d'une tribu et j'ai une renommée telle que les gens vont chercher à se venger. Naam. Les gens vont chercher à se venger et ils vont venir pour se venger. Donc tu auras affaire aux gens de ma tribu et à mes proches et ainsi de suite. Une autre explication d'autres savants est de dire si tu me tues, tu tueras un détenteur de sang, c'est-à-dire que moi, j'ai tué auparavant. Moi, j'ai tué auparavant. Donc, les gens attendent ça. Naam. Ici, ils voient que le prophète, alayhi salatu wassalam, est en colère. Et Thumama fait partie des gens de l'ennemi. Et ces gens-là ont tué certains parmi les sahaba, radiallahu anhu. Donc, il s'attend à quoi? Il s'attend à payer le prix de ce qu'il a avancé. Et de ce que ses proches ont avancé. Puis, il lui dit, après lui avoir dit, in taqtul ni taqtul zaadam, il lui dit wa in tun'im tun'im ala shakir. Et il lui dit et si tu me fais du bien, alors tu auras fait du bien à une personne qui sait être reconnaissante. Tu auras fait du bien à une personne qui est reconnaissante. Naam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé. Une troisième chose, il lui a dit wa in aradta al-mal fatlub ma shi't. Et si c'est de l'argent que tu veux, alors demande ce que tu veux. Donc il lui a dit trois choses. La première chose, si tu me tues. La deuxième chose, si tu me pardonnes. Et la troisième chose, si tu veux des biens et une rançon. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد. Le prophète عليه الصلاة والسلام ne lui a rien dit, il est parti. Et pendant ce temps-là, les sahaba, yani, lui donnaient à boire, ils lui donnaient à manger, ils s'occupaient de lui. Comme c'est le cas en islam. Le deuxième jour, il est revenu le voir et lui a dit, « Ma indaka ya Thumama ?» Il lui a dit, « Qu'as-tu au Thumama ?» Il lui a dit, « Intun intun im ala shakir. » Il lui a dit, « Si tu m'es fait du bien, tu feras du bien à celui qui sera être reconnaissant. » Fataraka. Le troisième jour, il lui est venu et il lui a dit, « Ma indaka ya Thumama ?» Et il lui a dit, « Indi ma kult. » Il lui a dit, « J'ai ce que je t'ai dit. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Atliqu Thumama, libérez Thumama. » Regardez ici les étapes sur les trois jours. Le premier jour, qu'est-ce qu'il a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi la première chose qu'il a mentionnée? Hein? Si tu me tues, il y aura ma tribu par la suite qui vont demander mon sang. Le deuxième jour, il a dit quoi? Il lui a dit qu'une seule chose. Si tu me fais du bien, yani pour adoucir le prophète alayhi wa sallam. Parce que du fait qu'il ne l'a pas tué le premier jour, alors qu'il méritait cela, son espoir a augmenté. Donc il a voulu adoucir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas parlé de la première éventualité. Du fait qu'il l'a laissé une nuit, une deuxième, c'est qu'il y a un espoir. Alors il lui a dit, intun'im, intun'im ala shakr. Si tu me fais du bien, je serai reconnaissant. Et au final, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pardonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pardonné et a dit, libérez Thumama. Libérez Thumama. Alors, Thumama s'est levé et il est sorti de la mosquée. Il s'est lavé et il est revenu au masjid. Il a dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Il est rentré au masjid et il s'est converti à l'islam. Et de là, tu vois que la bonté envers l'injuste, celui qui mérite la punition, peut avoir un effet sur lui qui le pousse au regret, au repentir et à se rendre compte de sa faute. Alors il se corrige encore mieux que s'il avait été puni. Encore mieux que s'il avait été puni. Et cela est fait selon la sagesse du savant. Donc il est sorti, il s'est lavé, puis est revenu à la mosquée et s'est converti à l'islam. Et écoutez les paroles de Thumama par la suite. Yani le comportement du prophète alayhi wasallam a pénétré son cœur à un point tel. Et aussi le comportement des sahaba yani envers lui. Il est prisonnier. Il y a eu la guerre auparavant, ils ont tué des sahaba et il se retrouve là. On lui donne à manger, on lui donne à boire. Naam. Et à la fin, on le libère. Ça, c'est une chose qui n'existait pas à l'époque. C'est un comportement qu'on a connu que dans l'islam. Alors, il est revenu, il s'est converti à l'islam et a dit, « Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, wallahi ma kana al-ard. » Il lui a dit, « Oh Muhammad, je jure par Allah qu'il n'y avait pas sur la terre ماذا وجه أبغض إلي من وجهك. » Il lui a dit, « Je jure par Allah, ô Muhammad, qu'il n'y avait pas un visage sur la terre d'Allah que je détestais plus que ton visage. » Écoutez la suite. Ensuite, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليه. » Puis il lui dit, et désormais, ton visage est devenu le visage que j'aime le plus au monde. Subhanallah. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affecté à un point tel que son cœur a été bouleversé par Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qu'il détestait le plus devient celui qu'il aime le plus. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a ajouté, radiallahu anhu, والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الأديان إلي. Il lui a dit, je jure par Allah que je ne détestais pas une religion plus que la tienne. Et désormais ta religion est la religion que j'aime le plus. Et désormais ta religion est la religion que j'aime le plus. Lorsqu'il a vu la mansuétude de l'islam, la douceur de l'islam et le pardon qu'on peut accorder en islam. Et lorsqu'il a vu le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa douceur et son pardon, lorsqu'il a vu le ta'amul, les agissements des compagnons envers lui, son cœur a été bouleversé. Son cœur a été lavé par la douceur du iman et du tawhid et de la croyance. Et ça lui a fait dire ces nobles et magnifiques paroles, radiallahu anhu. Puis il lui a dit, Wallahi ma kana min bilad. أبغض إلي من بلدك فأصبح أحب البلاد إلي. Il lui a dit, jure par Allah qu'il n'y avait pas un pays que je détestais plus que ton pays. Et désormais ton pays est le pays que j'aime le plus. Puis, Thumama radiallahu anhu, comme vous vous souvenez, il était en chemin et les sahaba étaient sur le chemin du retour. Il a été capturé. Thumama, en réalité, il était en voyage et se dirigeait vers Mecca pour accomplir quoi ? Al-Umra. Pour accomplir Al-Umra. Est-ce qu'il était musulman ? Non. Mais de cela, on tire une grande science. C'est quoi ? C'est que Kuffar Quraysh et que le Mushrikoun avaient des actions. Ils avaient des ibadat. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré ça, ils n'étaient pas croyants. Pourquoi ? Parce qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils adoraient aussi Allah. Ils adoraient aussi Al-Uzza. Ils adoraient aussi Mana, ils adoraient Al-Wali, ils adoraient Al-Mayyit, ils adoraient certains Al-Shams, d'autres Al-Qamar, d'autres Al-Anbiya. L'Izakan Mushrikin. Donc ne pensez pas que les gens de la Mecque, ou bien Mushrikul Arab, n'adoraient pas Allah. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils faisaient l'Umra, ils faisaient le Hajj, ils faisaient Sadaqa, ils faisaient Silatul Rahim. Mais cela ne leur était pas profitable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de tawhid wal ikhlas. Parce qu'il n'y avait pas de tawhid wal ikhlas. Tant que l'adoration n'est pas vouée exclusivement à Allah, tout cela est poussière. Tout cela n'est pas accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils avaient commis le polythéisme, tout cela se ماذا يعني aurait été annulé. Et dans l'autre verset, مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب ماذا مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به ريح في يوم عاصف. الله عز وجل a fait ressembler dans sourate Ibrahim les actions des associateurs à de la cendre sur laquelle un vent a soufflé. Et dans sourate An-Nur à un mirage. Un mirage. La personne, imaginez, elle marche dans le désert. Elle voit un coin d'eau au loin. Elle se réjouit. Lorsqu'elle arrive, elle ne trouve rien. Elle ne trouve rien. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'action du mushrik. Allah azza wa jalla accepte que ce qui est fait purement pour lui avec al-tawhid. Que purement pour lui avec al-tawhid. Donc ça ne suffit pas d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Ça ne suffit pas de prier, de jeûner, de faire le hajj wal-umra. Il faut faire tout cela avec al-tawhid, avec al-ikhlas. Celui qui fait l'Amra, celui qui fait le Hajj, celui qui fait le Siyam, le Salah. Mais quand il a un problème, il va voir le Wali, il sacrifie pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Hada mushrik, l'aqbalullahu minhu. Na'am. Celui qui fait le Salah, le Zaka, le Hajj et autres. Mais lorsqu'il a un problème, na'am, il va faire du Sihr, wal'iyadu billah. Il va faire de la sorcellerie et autres. Ou bien il a comme croyance que quelqu'un d'autre en dehors d'Allah Azza wa Jal connaît le futur et l'invisible. Al-Mutlaq. Hada laysa bimu'min. Hada mushrik. La qabalu Allah Azza wa Jal minhu shay'a. Hatta yatuba ila Allah Azza wa Jal. Kulli alladhina kafaru yantaw yughfar lahum ma qad salaf. Donc ça c'est une chose qu'il faut comprendre. Ça ne suffit pas de dire la ilaha Allah, de prier, de jeûner. Il faut comprendre la ilaha Allah. Il faut mettre en pratique la ilaha Allah et se purifier de toutes les formes de shirk pour qu'Allah Azza wa Jal accepte tes actions. C'est pour cela que la science la plus importante est la science du tawhid et de la bonne croyance. Et la chose de laquelle nous devons nous purifier en premier lieu, c'est les mauvaises croyances. Les mauvaises croyances. Donc Thumama était en chemin pour faire l'Umra. Mais c'était à la manière des polythéistes. Naam, c'était à la manière des polythéistes. Et leur talbiya n'était pas la même talbiya que nous, ahl al-tawhid. Nous disons la baik Allahumma la baik la sharika laka la baik. Ça ? Nous proclamons al-tawhid et nous disons qu'Allah n'a pas d'associé. Eux disaient labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik illa sharikan huwa lak tamliku wa ma malak. Qu'est-ce qu'il disait dans la talbiya? Il disait tu n'as pas d'associé sauf un associé que tu possèdes lui et ce qu'il a. Donc dans leur talbiya il y avait du shirk, dans leur hajj il y avait du shirk, dans l'amra il y avait du shirk. Hein? Dans leur zebh il y avait du shirk, dans leurs adorations ils partageaient cela entre Allah et autre qu'Allah. Ainsi toi al-muwahhid tu dois étudier l'état des associateurs avant l'islam pour bien comprendre ce qu'est tawhid et ce qu'est shirk. Comme ça tu mets en pratique tawhid et tu te préserves du shirk. Parce que beaucoup de personnes, du fait qu'ils sont ignorants du shirk en détail, ils tombent dedans. D'où l'importance d'étudier Kitab al-Tawhid, le livre du grand savant Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, et avoir une da'wah al-Tawhid en détail, une da'wah dite de shirk en détail, pas de manière générale. Wallahu al-musta'an. Pas de manière générale seulement. De manière générale seulement. Sinon, il y a aussi le da'wah al-tawhid de manière générale et le tahdhir min ash-shirk de manière générale. Na'am. Mais il faut avec at-tafsil, comme on le trouve dans le Coran et as-sunnah. Et c'est ce qu'a fait Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dans son livre Kitab al-tawhid, dans les 6 premiers chapitres, d'une manière générale. Et ensuite, il a détaillé pendant près de 60 chapitres, rahimahullah ta'ala, wa askanahu Allah fasiha jannatih. Donc il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant sa umrah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam basharahu. Alors le prophète alayhi wa sallam lui a permis de faire l'umrah et lui a annoncé la bonne nouvelle. Les savants qui ont expliqué le hadith ont divergé. Que signifie lui annoncer la bonne nouvelle? Certains disent basharahu bil jannah. Il lui a annoncé la bonne nouvelle du paradis. D'autres ont dit le bien. De manière générale dans ce bas monde et dans l'au-delà, d'autres ont dit le pardon pour ses péchés, du fait qu'il est entré en islam, et ainsi de suite. Alors, il s'est rendu à Mecca. Arrivé à Mecca, il a proclamé Tawhid. Alors les associateurs qui auparavant le respectaient, ce maman n'était pas n'importe qui, radiallahu anhu. Naam, yani c'était un des responsables de Najd. Ils se sont moqués de lui. Lorsqu'ils ont vu qu'il s'est converti à l'islam, ils se sont moqués de lui. Et ils ont dit, ça va ou t'as ma'a Muhammad. Et tu as mécru avec Muhammad, tu es sorti de notre religion avec Muhammad. C'est ainsi qu'il dénigrait les gens du tawhid. Naam, qu'il dénigrait les gens du monothéisme. Alors, il leur a répondu, ma sabaut. Je n'ai pas mécru, je ne suis pas sorti de la religion. Walakinni aslamtu ma'a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il leur a dit, non, je n'ai pas mécru. Au contraire, je me suis soumis avec Muhammad. Regardez le ta'bir daqiq. Il n'a pas dit, je me suis soumis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala aslamtu ma'a Muhammad. Ay ana wa nabiyullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. أسلمنا لله رب العالمين. نعم. المسلمون les croyants n'adorent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils adorent Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est venu que pour faire sortir les gens de l'adoration des créatures vers l'adoration du créateur tabaraka wa ta'ala. Et la parole de Thumama ibn Uthal nous rappelle la parole de qui? هذه العبارة تذكرنا بعبارة من؟ لما قال أسلمت مع محمد. أحسنت بارك الله فيك. هذا يذكرنا بكلمة ملكة سبأ. ها؟ لما قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Et cette histoire nous rappelle l'histoire de la reine de Saba. Lorsque Al-Hudhud, un des oiseaux qui était sous les ordres de Suleyman, alayhi salam, a manqué à l'appel. Suleyman, alayhi salam, s'est mis en colère. Et a dit, Malila ara al-Hudhud. Comment se fait-il que je ne vois pas la huppe? Naam, est-ce qu'elle est absente? Puis, La huppe est restée non loin de cet endroit-là. J'ai entendu les dires de Suleyman. Et en réalité, la huppe s'était rendue à un coin du Yémen. Naam, si mes souvenirs sont bons, et a vu une reine qui gouvernait et qui avait de grandes richesses. Et elle et son peuple adoraient le soleil en dehors d'Allah. La huppe s'est étonnée du shirk. Allahu Akbar. Hein? La huppe, elle hudhud. Istagharabati shirk. Et aujourd'hui, je trouve des gens qui disent s'affilier à l'islam. Naam. Et s'étonnent quand tu mets en garde contre le shirk. Comme tu trouves chez As-Sufiyya. Hein? Al-hudhud. Subhanallah. قالت إني ماذا إني رأيت فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحيط به وجئتك من سبأ بنبأ عظيم. Il a dit j'ai eu une science que tu n'as pas eu. Elle a dit à Suleyman عليه السلام j'ai connu une chose que tu n'as pas connue. Et je suis venu de Saba avec une nouvelle immense. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. J'ai trouvé dans cet endroit une femme qui est leur reine. Et on lui a donné de toutes sortes de richesses. Wajadtuha wa qawmaha. Et je les ai vus, elle et son peuple, faire quoi ? Se prosterner pour le soleil. Se prosterner pour le soleil. Ensuite, Allah yasjudu lillah. Pourquoi est-ce qu'ils ne se prosternent pas pour Allah ? Ça, el-hudhud, Allahu Akbar. El-hudhud. Et tu trouves des créatures d'Allah qui ont la raison. Hein ? Qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal. Qui adorent autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et lorsqu'ils ont un problème, ils se dirigent vers qui ? Sidi Fulan. El-Wali Fulan. Hein ? Non, tu vas là-bas, t'égorges pour lui, t'inquiète pas, il va guérir ton malade. Et on trouve ceci et cela. A'udhu billah. Na'udhu billah min ash-shirk. Naam, Al-Hudhud istankara shirk. Al-Hudhud a trouvé mauvais, blâmable le shirk. Et a vu que sujoud, c'était une ibada qui devait être donnée que à Allah tabaraka wa ta'ala. Puis, il y a al-dilala avec tawhid al-rububiyya à la suite de ces versets. Méditez-les dans le Coran. Donc, ici, Thumamah a dit une parole semblable à la parole de Malikatu Saba. Comment s'appelait Malikatu Saba? Belkis, c'est quoi la preuve? Qui d'autre a levé la main? Hein? C'est quoi la preuve? Donc on l'appelle comme l'a appelé Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Malikatu Saba. Naam. Quant au fait de dire que son prénom c'est Belkis, Naam, hadha yahtaj ila dalil. Il faut une preuve. Et dans l'Israéliyat, on trouve cela. Donc ça fait partie des informations. Ni on les affirme, ni on les infirme. Ni on les affirme, on dit qu'elle s'appelle réellement comme cela, ni on le rejette. Ni on le rejette. Mais lorsqu'une chose n'est pas venue dans nos textes, dans le Coran ou Sunnah, et que ça vient dans les livres anciens, Naam, et que dans notre din, on n'a pas rejeté cela, à ce moment-là, ça fait partie de ce chapitre. C'est-à-dire les informations de ceux qui nous ont précédés, ni on dit que c'est vrai, ni on dit que c'est faux. Par contre, si l'information est venue et qu'on trouve dans le Coran ou Sunnah le contraire, alors on sait que ça a été falsifié, que c'est faux. Alors on sait que ça a été falsifié et que c'est faux. Puis Thumama, radiallahu anhu, les a mis dans la gêne et dans la difficulté. Il les a mis dans la gêne et dans la difficulté. Pourquoi cela? Car Thumama était le responsable de certaines denrées alimentaires qui venaient du Najd et qui étaient exportées à Mecca. Alors il leur a dit, vous me parlez comme ça? Par Allah, vous n'allez pas recevoir une graine à partir d'aujourd'hui tant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aura pas donné la permission. par Allah, vous n'allez pas recevoir une graine tant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aura pas donné la permission. Habbatu hinta hatta adhana bi fiha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui a envoyé du Najd, ses denrées alimentaires. Par la suite, ils ont été ma'adha, ils ont subi certaines difficultés, et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam par la suite lui a permis de commercer à nouveau, avec eux. Voici pour l'histoire de Thumama ibn Uthal, ce noble compagnon qui a été tant touché par le comportement de l'islam, le comportement du prophète alayhi sallatou wassalam, puis de ses compagnons radiallahu anhum. Al-Hafid ibn Hajar a cité certaines informations profitables qu'on tire de ce hadith, parmi lesquelles ta'zim wa amri al-'afw 'an al-musi, la grande importance d'accorder son pardon à celui qui fait le mal. Parce que Thumama a juré qu'il ne détestait pas un visage plus que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une terre plus que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une religion plus que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en un court instant, tout cela a été altéré et s'est transformé en son contraire, en amour. Et c'est Al-Afu, c'est le pardon accordé par le prophète sallam et sa bienfaisance à son égard qui a causé ce changement par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Fihi al-irtisal inda islam al-mar'a. On tire de ce hadith le lavage lors de la conversion à l'islam de la personne. Naam. Le lavage lors de la conversion à l'islam de la personne. Les savants divergent, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Non, c'est pas sur ce point que j'avais noté cette parole. Puis ils ont divergé, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Donc Allah alam, est-ce qu'il y a divergence ou pas? Quoi qu'il en soit, ici on tire le fait de se laver pour celui qui se convertit à l'islam. On tire également de ce hadith أن الإحسان يزيل البغض ويقلبه محبة أو حبا. On tire de cela que la bienfaisance fait disparaître la haine et le transforme en amour. Le troisième point, Razwatu Bani Lihyan. Qui sont ces gens-là? Nous en avons déjà parlé. Humulladina radaru bi Khubayb wa ashabihi. Ce sont ceux qui avaient trahi Khubayb et ses compagnons lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait envoyés pour enseigner aux gens. Naam, ils avaient encerclé les compagnons qui eux s'étaient retranchés dans la montagne. Ensuite ils leur ont donné Al-Aman, ils sont descendus et malgré ça ils les ont assassinés. Donc ce sont eux Banu Lihyan. Donc Khubayb ibn Adi et les autres parmi les compagnons avaient été assassinés par Bani Lihyan radiallahu anhum dans Qissatul Raji'. Lorsque nous avons étudié le passage sur Ar-Raji'. Quant à cette razwa, Bani Lihyan, il n'y a rien, certaines personnes de science disent, il n'y a rien d'authentique. Elle a eu lieu en l'an de Mahza, en l'an 6 également, Firabi' al-Awwal, ou bien Jumad al-Oula, en l'an 6. Mais ils étaient environ 200, le prophète sallam est sorti avec eux, mais l'ennemi avait été informé de leur venue. Donc ils ont quitté les lieux et se sont retranchés dans les montagnes. Ils les ont donc délaissés et ils sont partis à Usfan. Et sur ce passage-là, donc la suite lorsqu'ils sont partis à Usfan, il y a un texte authentique. Il y a un hadith authentique. C'est que Khalid ibn Walid, Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, a monté un groupe de personnes pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur plan était de l'attaquer pendant la prière. Leur plan était de l'attaquer pendant la prière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala révéla salatul khawf wal jam'a. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le passage sur salatul khawf où il nous montre comment prier en temps d'insécurité. C'est-à-dire que l'imam se met devant, il fait salat. Na'am. Il y aura deux groupes qui vont prier avec lui. Le premier groupe va entrer en salat avec lui. Na'am. Le deuxième groupe derrière. Puis lorsque le premier groupe va s'incliner avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le deuxième groupe va monter la garde. Le deuxième groupe va monter la garde. Vous comprenez ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie. Il y a sahaba derrière lui en deux groupes. Le premier groupe va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant deux rak'ah. Pendant deux rak'ah. Et l'autre groupe va monter la garde. Suite à cela, le premier groupe va sortir de sa salat. Na'am. Le deuxième groupe va rentrer avec le prophète alayhi wa sallam et le premier va monter la garde à nouveau. Na'am. Et selon la position de l'ennemi, le deuxième groupe aura une position. Donc s'ils sont sur le côté, ils seront sur le côté. S'ils sont devant, ils seront devant. S'ils sont derrière, ils seront derrière. C'est ce qu'on appelle salatul khawf. Elle a été légiférée à ce moment-là. C'est pour cela que à Ghazwatul Ahzab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu prier salatul asr. Parce que il a été occupé par l'Ahzab. Et salatul khawf n'avait pas été encore légiféré. Par contre, à ce moment-là, elle a été légiférée. Donc, du fait que Khalid ibn Walid radiallahu anhu et les autres voulaient l'attaquer, ils ont prié, mais en faisant salatu al-khawf. Puis ils sont revenus à Al-Madinah et il n'y a pas eu de combat. Le quatrième point est Sariyatu Zayd ibn al-Haritha. Il a l'Aïs. La Sariya de Zayd ibn al-Haritha, il a l'Aïs. Ibn Sa'd, rahimahullah ta'ala, l'a cité, mais sans chaîne de transmission authentique. Et elle a également eu lieu dans le mois de Jumada, en l'an 6. Et il fut dit qu'ils sont sortis pour une caravane de Quraysh venant du Sham, avec environ 170 compagnons. Ils l'ont intercepté. Et ils sont revenus. Et parmi eux, il y avait des captifs. Parmi eux, il y a Mada, ou plutôt avant ça, la plupart des richesses et de l'argent qu'il y avait appartenaient à Safwan ibn Umayya. Et parmi les captifs, il y a eu Abu al-As ibn Rabi'a. Qui est Abu al-As ibn Rabi'a? Comment? Abu al-As ibn Rabi'a. Abu al-As ibn Rabi' huwa zawj ibnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Zainab. Abu al-As ibn Rabi' était un associateur. C'était l'époux, le mari de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam Zainab qui auparavant, 3 ans avant environ, avait fait le hijra al-Madina. Car elle avait suivi. Elle était entrée en islam. Quant à son époux, al-As ibn Rabi' lui, n'était pas entré en islam. Donc lorsqu'il est arrivé à Medina, il lui a demandé d'être sous sa protection. Na'am. Alors Zainab a dit au prophète sallam, ajartu al-mada Abu al-As. J'ai accordé le voisinage à Abu al-As, c'est-à-dire qu'il est sous sa protection, nous n'avons pas le droit de l'attaquer. Lorsque elle a demandé cela, le prophète sallam a accepté. Puis il lui a demandé les biens, les richesses et l'argent. Alors le prophète sallam leur a donné le choix. Celui qui veut rendre, il rend, mais sans leur donner l'ordre. Alors ils ont pratiquement, ou bien tous, rendu cela. Puis Abu al-As est reparti à Medina. Que s'est-il passé? Quand il est arrivé à Medina, il a rendu toutes les richesses à chacun l'amana, à un tel, un tel, un tel, un tel. Puis il leur a dit, est-ce que je suis pour vous quelqu'un de confiance? Ils lui ont dit oui. Il a dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il est reparti à Medina, il a fait le hijra. Pourquoi est-ce qu'il est revenu à Mecca avec les richesses? Pourquoi est-ce qu'il tenait tant à faire ça? Pour qu'on ne dise pas qu'il a trahi. Pour qu'on ne dise pas qu'il a trahi. Il est rentré d'abord à Mecca. Il a rendu l'argent à chaque personne. Ensuite, il a proclamé al-shahada. Il est reparti à Al-Madinah pour qu'on ne dise pas qu'il a trahi et qu'il a fait semblant de rentrer en islam pour voler l'argent. Puis le prophète sallam lui a redonné sa fille Zaynab avec l'ancien aqd. Naam, on explique cela après. Al-adhan, inshaAllah ta'ala. Lorsqu'Abu al-As ibn Rabi' est revenu, ou bien a fait le hijra, et est venu à Al-Madinah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu Zaynab radiallahu anha, donc son épouse. Et cela nous amène à une mas'ala de fiqh, c'est que si la femme se convertit et elle fait al-hijra, na'am, et qu'il n'y a pas de séparation et qu'elle ne se remarie pas, puis que plus tard son époux aussi se convertit et fait le hijra, on lui rend son épouse avec le premier acte, c'est-à-dire sans refaire un nouveau mariage. Ça, c'est à condition qu'elle ne se soit pas remariée entre temps, qu'il n'y ait pas eu la séparation et le remariage. Naam. Donc, tant qu'elle ne se remarie pas, si son ancien, yani si son époux, son ancien époux fait le hijra et la rejoint et se convertit, à ce moment-là, le prophète sallam lui, yani, redonnait la femme avec l'ancien aqd. Avec l'ancien aqd, comme ça a été le cas pour Abu al-As ibn Rabi' et d'autres parmi as-sahaba radiyallahu anhu. Mais il y a une divergence sur cette mas'ala. C'est l'avis qu'a secouru, par exemple, Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Il nous reste 2-3 expéditions et ensuite on entre dans Al-Hudaybiyah et la Umra et Sulh Al-Hudaybiyah et d'autres événements qu'il y a eu. On a Allah subhanahu wa ta'ala a yubarika fi hadhi al-majalis wa yanfa'ana bima sami'ana wa yaffiqana ila kulli khayr. والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك